Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. In this one of many possible worlds, all for the best, or something's on test. It is what it is, and whatever, time is still the infinite jest. The arrow flies when you dream. The hours tick away, the cells tick away. The watchmaker keeps to his schemes. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily gained. The measure of a life is a measure of love and respect.

Après cet extrait absolument superbe de Rêve Parti du groupe Ange, on peut se demander qui peut encore oser dire que c'est un groupe de vieux avec une telle énergie. Moi, j'avoue que ça me dépasse un peu ce genre de jugement à l'emporte-pièce. Eh bien, pourquoi Ange juste après Roche quand même? Roche, Clockwork Angels, Clockwork Angels, nouvel album du groupe canadien. Je disais donc, Ange, pourquoi en concert avec ce vieux disque live, double live, Rêve Parti, sorti en 2000, tout simplement pour souligner le fait que le groupe franc-comtois sera en concert samedi prochain, samedi que 20, le 9 février, à la Tannerie, à Bourg-en-Bresse. Allez, bougez-vous, c'est pas si loin que ça, c'est pas le bout du monde. La Tannerie, Bourg-en-Bresse, samedi le 9, et en première partie, c'est eux qui organisent le concert, nos amis de Messaline. Ceux qui ont connu Messaline, ceux qui connaissent Messaline et qui ont connu Absurde, eh bien, c'est pratiquement la même formation avec un son un petit peu plus métal, un petit peu plus Iron Maiden. Donc, d'Absurde à Messaline, en passant par Ange. Que du bonheur. Tout de suite, on passe par un des albums décernés comme un des musts de l'année 2012. Je veux parler du retour réussi de Sebastian Hardy. On les attendait plus. Les petits Australiens, eh bien, ils frappent fort avec un troisième. Ce n'est que le troisième, sans compter bien sûr les lives et autres off-shots. Eh bien, c'est leur troisième album, Sebastian Hardy. Tout de suite, Blueprint. Thank you. myself going. And I remember trying to hold on. I'll be okay, I'll be okay. And it got to the point where, you know, I just couldn't. And everything began to just become very quiet. And I can remember with every ounce of strength I had, I wanted to say goodbye to my wife. It was important to me. And I did. I remember just turning my head, looking at her and saying, I'm going to die. Goodbye, Joan. And I did. It was then that I experienced what we call a near-death experience. For me, there was nothing near about it. It was there. It was a total immersion in light, brightness, warmth, peace, security. I did not have an out-of-body experience. I did not see my body or anyone about. I just immediately went into this beautiful, bright light. It's difficult to describe. Matter of fact, it's impossible to describe. Verbally, it cannot be expressed. It's something which becomes you, and you become it. I could say that I was peace. I was love. I was the brightness. It was part of me. were so beautiful. It was eternity. It's like I was always there, and I will always be there. That my existence on Earth was just a very brief instant. I could say that I was peace. I was love. I was the brightness. It was part of me. Pur bonheur. Weather Systems, on avait pu les apprécier en concert au Transbo. En novembre, si ma mémoire est bonne, un morceau qui s'intitule Internal Landscapes et qui est clairement sur les Near Death Experience. Voilà, superbe morceau, anathema, Weather Systems. Ils sont de retour après une très très très longue absence. Je veux parler des Italiens de Museo Rosenbach. Les plus anciens, les plus fidèles vont dire « Bon sang, mais c'est bien sûr Zarathustra, ce superbe album du prog italien, tendance King Crimson, la première période de King Crimson. » Eh bien, les bougres, ils se sont reformés, en tout cas les trois principaux, plus deux invités, pour nous rejouer en studio live. C'est nouveau, ça vient de sortir, non, ne vous inquiétez pas, en fait, ils sont remis en studio et enregistrés d'une seule traite, ce Zarathustra. C'est superbe, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à l'album d'origine, mais avec un son quand même plus frais, plus enrobé, plus dynamique avec les moyens de maintenant. Et on retrouve avec énormément de plaisir ce chef-d'œuvre du prog italien des 70s, Museo Rosenbach, Zarathustra Live. Quello che insegui non c'è. le risposte confondono una vita antica. Mille tradizioni han costruito un muro intorno a me. Sole senza forze, ti perdo nelle mie parole e forse ti cerco. Ha camminato sempre accanto a me. Ecco nasce me, vivo il superuomo. We'll be right back. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Docker ! Sol, 100.7. Gérard. Yeah. Résumé des chapitres précédents. Musée Rosenbach, Zarathustra live in the studio, donc une revisitation de ce chef-d'œuvre du progressif italien des 70s. Ensuite, Gérard, nos amis Gérard, les Nippons ont frappé en 2010 avec ce nouvel album et il est passé mystérieusement inaperçu dans la boîte aux lettres d'Acid Dragon, donc on rattrape vite la chose. Un album intitulé Ring of Eternity et suivi des Danemark. Comme dit Pierre, Pierre et Paul, ce sont, pour ceux qui savent, des héros des aventures de Mrs. Killworth et de notamment Elisabeth Martin. Fin de la parenthèse. Je disais donc Baby Wood Rose, ce sont des Danois, un album qui s'intitule Third Eye Surgery, et c'est ma foi du psychédélique comme on l'aime, inventif, très british, même si c'est des Danois. On passe de l'autre côté, pas très loin, une contrée voisine, de l'autre côté de la frontière, ou presque, avec la Pologne, et un album d'un monsieur tout seul. Le projet s'intitule Ordinary Brainwash, et son album ME2.0. M'en demandez pas plus. Voilà donc ce lavage de cerveau ordinaire, tout de suite sur le 100.7 et ses prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. speakers now. A rush of blood goes through your cold veins. No false movements, choose your words. ils sont pas mal du tout, ces petits Allemands. Crystal Breed. Crystal Breed, si vous préférez. Crystal Breed, The Place Unknown. Donc, c'est allemand, on l'avait compris, c'est de 2011 et c'est superbe. Superbe également un opus triple de CZG. Groupe américain au nom imprononçable, mais bourré de talent, qui vient de sortir un CD plus deux DVD. C'est carrément la grande classe. C'est du live. Ça s'intitule A Glorious Disturbance. C'est d'américain, vous l'auriez compris. Et c'est de 2012 et c'est sur Prog à part. YZY, des Américains qui frappent donc avec, je vous disais, un triple album, deux DVD et un CD, le tout en concert. A Glorious Disturbance, avec une forte influence de Yes et quelques touches de Gentle Giant qui ne sont pas pour me déplaire. Nos amis des Ésotériques continuent leur petit bonhomme de chemin de réédition des chefs-d'œuvre du passé à notre grande joie. Voici le tour d'un groupe que je ne connaissais absolument pas, Spry Guns, deux albums à leur compteur, dont le deuxième qui s'intitule Time Will Pass, qui est sorti malheureusement, je dirais, en pleine période punk en 77 et est passé complètement inaperçu. C'est fort dommage car on y trouve une forte influence de Renaissance. Je vous propose d'écouter donc un extrait de cet album Time Will Pass des Spry Guns. Thank you. avec Spry Guns se termine l'émission et l'édition de février de Prog à part. Quelques notes de bas de page. Tout d'abord, donc, je vous rappelle le concert d'Ange et de nos amis de Messaline, anciennement Absurde, à la Tannerie à Bourg-en-Bresse, samedi qui arrive, le 9. Samedi 9, soyez nombreux. D'ici là également, vous retrouverez l'ami Franck Carducci. Rappelez-vous, il était venu jouer ici en public, il nous avait enchanté. Eh bien, Franck Carducci, le Lyonnais, sera parmi nous à l'Eden Rock, rue Mercière, tout au bout de la rue Ferrandière, une rue que je connais très très bien, les 7, 8 et 9 février, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi, à partir, attention, de 22h30. Franck Carducci. Voilà pour les news au niveau concert. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Renaissance avec des Spriggans ou Spryguns si vous préférez, un petit hommage, un petit signe à Michael Dunford qui nous a quittés. Michael Dunford, donc musicien de Renaissance. Paix à son âme. Également, un rendez-vous cette fois-ci au niveau des notes de bas de page. Un rendez-vous le 4 mars. Le 4 mars, c'est un lundi. Rien de mystérieux là-dedans. Ce sera de 20h30 à 22h30 si votre humble serviteur n'est pas en vacances, puisque ça tombe en pleine période vacances scolaires. Voilà, d'ici là, vous retrouverez l'émission comme d'habitude grâce à l'ami Jean-Louis, on lui passe bonjour, sur le site d'Acid Dragon, puisque Prog à part c'est la version sonore d'Acid Dragon. Sur le site d'Acid Dragon, vous faites Acid Dragon avec 2D.eu et cherchez Prog à part et vous retrouvez le podcast avec la liste, le listing comme on dit en français, de tout ce que vous avez pu entendre ce soir et je l'espère apprécier. Voilà, et suivant la formule consacrée, tenez tati, à que la prochaine et d'ici là, je vous pète la miaille. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif, une émission présentée, proposée et réalisée par Thierry Sportouche avec l'aimable soutien technique de Jean-Louis Delacruz. Ciao.